Bonjour. Donc micro bon. Ouvert. Donc moi j'avais une question par rapport à la presse bénévole. Donc on sait qu'actuellement pour faire une presse sans publicité, donc non dépendant un peu des forces du marché, du consumérisme et d'une presse pour nous indépendante, il faut la plupart du temps ou bien bénéficier d'aides d'État qui sont très difficiles à avoir ou qu'on ne peut pas avoir, ou bien être bénévole. Donc travailler autre part pour pouvoir gagner sa vie et voilà, et manger. À ce moment-là, je me pose la question du statut de journaliste reconnu par l'AJP, c'est-à-dire que pour être reconnu comme journaliste, il faut que son activité de journaliste soit reconnue comme activité professionnelle et comme rémunération principale. Alors ma question est, dans la configuration actuelle du journalisme, est-ce que c'est pas un peu une contradiction quand on sait que les médias alternatifs prennent de plus en plus de place et recréent du débat qui n'a quand même plus beaucoup lieu dans les médias de masse. Jean-François Dumont, secrétaire général adjoint de l'Association des journalistes professionnels. Posé comme ça, oui, ça a l'air d'être évident que la réponse va être oui, il y a une contradiction. Alors on peut aborder la réflexion sous un autre angle. Il y a une loi qui est vieille, qui date de 1963 et qui n'est pas écrite par l'AJP, mais par le législateur, et qui dit voilà à quelles conditions, effectivement, on peut reconnaître officiellement le titre de journaliste professionnel et donner la carte de presse, qui est un document officiel. Et vous l'avez rappelé, le journalisme doit être une profession rémunérée et à titre principal. Donc effectivement, ça bloque évidemment cette loi, ça bloque l'accès à la carte de presse pour tous ceux qui ne sont pas rémunérés, qui sont bénévoles. Alors, est-ce qu'il faut modifier la loi pour ouvrir complètement l'accès à la carte de presse à tous ceux qui font du journalisme sous une forme ou sous une autre, rémunéré ou pas? Moi, je dis qu'il y a peut-être un danger parce que ça revient à annuler finalement la reconnaissance au titre de journaliste professionnel, puisque toute personne qui, pour soi-même, pour son blog, pour le petit journal des amis ou du quartier, ferait quelque chose qui s'apparente à du journaliste, serait considéré comme journaliste professionnel. Il y aurait déjà une... Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction dans les termes. Ouais. Journaliste professionnel, ça veut dire c'est une profession. Cela dit, donc moi je ne pense pas que la loi doit rattraper la situation au point de s'autodétruire, la loi, parce que ça reviendrait à ça. Il pourrait y avoir des critères. Je vous arrête juste deux secondes. Comme les critères d'accès à l'aide à la presse périodique qui disent vous devez par exemple avoir un tel nombre de caractères par an, une telle périodicité. Évidemment, mon idée n'est pas que le premier blogueur du coin devienne journaliste professionnel, en tout cas soit considéré comme journaliste professionnel et une carte de presse. Mais en gros, moi je vais encore à l'encontre de ce que vous pensez, parce que je veux dire pourquoi pas. Je veux dire, être critique et se poser des questions, enfin le métier de journaliste c'est quand même relater ce qui se passe autour de soi pour après le faire partager. Alors oui, critique, pas de critique, la manière dont l'info est travaillée, c'est encore une autre question évidemment, mais une carte de presse pour tous, pourquoi pas, enfin, pourquoi ce serait un truc privilégié? Alors, la carte de presse, on peut rappeler, à l'origine, c'était une demande dans la profession qui voulait distinguer aussi, à un moment, faire le tri. On vient quand même, enfin, en France, l'entre-deux-guerres, où le métier était complètement pourri, où des journalistes usaient de leur situation dans les médias pour s'octroyer des enveloppes, des avantages financiers. C'est plus comme ça aujourd'hui? Non, pas. Je crois Attendez. Que c'est un peu plus propre aujourd'hui. Mais en revanche... Non, mais je voudrais quand même dire à propos de la carte de presse qu'il ne faut pas mythifier cet objet. On ne doit pas avoir de carte de presse pour faire du journalisme. Donc tant mieux si des tas de gens participent de façon ou d'une autre, bénévole, pas bénévole, médias alternatifs, médias traditionnels, au débat citoyen, à l'analyse de l'info, à la critique. Il ne faut pas de carte de presse pour faire du journalisme. Il faut simplement une carte de presse pour accéder à certains lieux, effectivement. Voilà. Ces lieux sont importants puisqu'il faut une carte de presse, vous voyez. C'est le pouvoir. Voilà. Bon, pour aller à la tribune de foot de division 1, il faut une carte de presse. Pour aller dans certains procès, pour aller... Mais non. Dans les bâtiments de l'Union européenne, voilà. Il faut une carte de presse, etc. C'est effectivement, il y a certains lieux qui ne sont pas ouverts aux non-propriétaires, aux non-possesseurs d'une carte de presse. Maintenant... Pensons aussi pratiquement que quand il y a un lieu, un espace réduit, à qui est-ce qu'on accorde le droit de venir accompagner une visite officielle, entrer, suivre une visite dans un hôpital parce qu'une personnalité fait une conférence de presse sur une nouvelle opération chirurgicale, que sais-je encore. Donc souvent aussi, il faut bien dire que la carte de presse permet simplement de filtrer, de trier des gens et priorité à ceux dont c'est le métier, dont c'est la profession pour vivre. Mais Alex, toi, tu aurais envie d'une carte de presse. Pourquoi ? Ça t'empêche d'aller à certains endroits carrément ? Ou bien pourquoi en fait cette carte de presse ? Non, en fait c'était aussi par pure compréhension, justement, pour comprendre pourquoi on ne peut pas l'avoir. Moi ce que je me dis juste, c'est que justement pour aller dans certains endroits, genre dans des débats de la commission, ou peut-être que faire rentrer d'autres personnes qui font une presse alternative permettrait de poser des questions qu'on ne voit que rarement poser, ou si pas jamais, par les journalistes, de la presse dominante. Donc je ne sais pas comment on pourrait redéfinir cette possibilité, mais en tout cas, c'est clair, on ne recherche pas à aller systématiquement ou à aller dans les lieux de pouvoir, mais il y a parfois quelques questions qu'on aimerait poser aux gens de pouvoir qui ne sont que très rarement dérangés par les journalistes. Je répète, si pas jamais. Voilà. Et c'est clair qu'aussi, en tant que bénévoles qui devons gagner notre vie ailleurs, la carte de presse offre aussi d'autres avantages, notamment les transports qu'on prend pour faire nos reportages, pour venir ici, offre les transports en train gratuits. Donc voilà, ça a certains avantages qui, pour un bénévole qui donne tout son temps pour quelque chose auquel il croit, ça a certains avantages. Mais dans Kairos, on n'est pas du tout en train de se battre pour ça. On aimerait juste comprendre quel est le statut et la définition que donnent les syndicats des journalistes et les autres à la définition du journalisme. Ça, c'est un débat, c'est l'identité du journaliste hein, on est en plein débat, en pleine réflexion là-dessus depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Je crois encore pour un bon moment. C'est vrai qu'en soi, qu'est-ce qui différencie la personne seule qui a son site, son blog ou avec un groupe même actif et qui a sur Internet, ils font de l'info, ils font du commentaire, ils font de l'analyse et celui qui travaille pour Le Soir ou l'RTBF, tous les deux font finalement les mêmes démarches et je comprends qu'il y ait une interrogation de se dire mais pourquoi est-ce qu'un a des avantages et l'autre pas Mais on doit poser la chose sur deux terrains. Il y a l'aspect pratique. Je l'ai rappelé que quand les places sont comptées, il est normal, et ça je continuerai à le soutenir, de réserver ces places à des gens dont c'est le métier et qui le font notamment pour vivre et pour faire chauffer leur soupe. Et puis il y a l'aspect un peu psychologique, la reconnaissance. Et je pense que derrière vos interventions, il y a peut-être aussi cette déception peut-être de ne pas être reconnu l'égal d'autres journalistes. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai pas le sentiment d'avoir besoin d'être connu comme journaliste. D'ailleurs, c'est plutôt parfois, excusez-moi, mais ça peut plutôt parfois, vu comment le travail de journaliste était un peu pour nous galvauder, ça peut parfois plutôt être comme une insulte. Hein. C'est Frédéric Lordon qui avait dit en France, ne me dites surtout pas que je suis journaliste. Donc non, c'est pas une recherche de reconnaissance. C'est parfois, comme j'ai dit, une recherche de certains avantages en termes pécuniaires, mais aussi surtout en termes de facilité du travail journalistique. Et c'est aussi pour, je répète, voir au niveau du pouvoir de ceux qui représentent les journalistes, quelle est leur vision et pourquoi les choses sont tellement figées et ne changent pas. Je crois qu'il faut à un moment donné faire un état des lieux du journalisme et se dire que ça va pas, quoi. Je vous trouve un peu sévère, mais je retrouve effectivement souvent un réflexe de la presse dite alternative, où on part d'une situation un peu caricaturale, où la presse traditionnelle est de toute façon soit pas bonne, soit aux ordres, soit pas assez percutante, soit pas assez critique, et puis par ailleurs, il y aurait cette presse alternative qui, elle, est courageuse, critique, impertinente, et tout, et tout. C'est une vision que je trouve un tout petit peu quand même caricaturale. Mais dites-nous vous, comment vous voyez alors, vous, les médias? Alors, elle n'est pas caricaturale. Je veux juste, avant votre réponse, préciser quand même quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Berlin, il y a quelques semaines, entre 150 000 et 250 000 manifestants contre le traité transatlantique. Le lendemain, dans la presse belge, rien, pas une ligne. Donc si dire que la presse est aux ordres du pouvoir, comme quand même Serge Halimi l'a montré, comme Noam Chomsky l'ont montré, comme beaucoup de sociologues l'ont montré, Alain Cardo, je ne crois pas que c'est uniquement une caricature, c'est tout simplement une description sociologique, économique et structurelle du pilier du pouvoir que joue le journalisme. Alors si j'admets qu'il y a des bons journalistes qui sont dans certaines presses dominantes, bon... C'est dur pour eux, je crois pas qu'ils tiennent toujours, ou bien ils partent, ou bien ils sont mis dans un coin, mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Réaction de la part d'associations des journalistes professionnels ? Oui, il y a beaucoup à dire. Alors, oui, bien entendu, la presse traditionnelle, c'est une industrie, c'est une entreprise, ce sont des entreprises, et elles répondent globalement, d'abord, au fonctionnement économique, où il s'agit de s'y satisfaire des actionnaires, éventuellement de les rémunérer. Et donc, on va rarement trouver dans cette presse traditionnelle des gens qui vont être en dehors du système, qui vont contester le système. Donc effectivement, j'ai aussi lu Chomsky et compagnie, on est dans une presse qui épouse globalement la pensée dominante de sa société. Et c'est à l'intérieur de ces médias qu'on va heureusement trouver quand même des îlots de critiques, d'irrévérences, des tentatives plus ou moins. Mais globalement, c'est vrai qu'on est dans le système et pas en dehors. Ça, c'est une chose. Ça n'empêche pas aussi que... on fasse part des manifestations, des mouvements sociaux. Enfin, est-ce que, nom d'une pipe, l'altermondialisme et toute son évolution n'a pas été dans tous les médias ? Est-ce que le TTIP, même si on n'a pas fait autant que vous l'auriez souhaité sur la manifestation en Allemagne, n'a pas été analysé dans tous les médias ? Voilà, on ne lit pas les mêmes médias. Donc, très peu. Mais oui. Et rien que le fait de ne pas en parler le lendemain d'une manifestation d'une ampleur considérable en Allemagne, c'est significatif pour moi. Oui, gardons peut-être juste cet exemple-là. Qu'est-ce que ça raconte pour vous, le fait que Alexandre Penas raconte qu'il n'y a pas de retour dans la presse belge par rapport à... Qu'est-ce que ça vous raconte à vous ? Que pour les militants et les gens très très concernés comme lui, la presse n'en fera jamais assez de toute façon sur ce qui, lui, l'intéresse, le motive et l'anime. C'est juste réaction, mais c'est pas simplement Alexandre Penas. Non, c'est une majorité de gens. Hein, le TTIP, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue. Je sais pas si vous avez vu les manifestations. Non, c'est pas simplement une presse. Je vais vous donner la parole, hein. Je vous inquiétez pas. Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas des privilégiés qui connaîtraient une actualité, comment je dirais, c'est quoi le mot, pointu. Non, ou... c'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle, monsieur. Je peux regretter avec vous qu'il n'y ait pas davantage de pédagogie, des enjeux, d'informations, d'explications et d'analyse sur le TTIP. La presse est quelque chose qui doit se vendre. La presse est quelque chose qui doit se vendre. La presse est quelque chose qui doit se vendre. Et là, je me trouve bizarrement, à cause de vous et de vos questions, à presque faire un jeu de rôle et à me mettre dans la peau d'un éditeur et plus d'un journaliste. La presse doit se vendre. Si vous tartinez sur le TTIP à longueur de médias, la presse ne se vendra plus. Parce que l'éditeur, c'est qu'il doit aussi donner du sport, du people, de la culture facile, etc. Donc c'est toujours une question de dosage. Et effectivement, le TTIP, on va en parler sans doute beaucoup au moment soit où ce sera trop tard, soit où la crise sera vraiment encore plus aiguë qu'aujourd'hui, et on peut le regretter. Cela dit, ne mettons pas tous les médias dans le même sac. Il y a des médias périodiques, alternatifs, qui vont parler beaucoup, beaucoup, beaucoup du TTIP et des questions sociales ou socio-économiques internationales qui nous animent, qui vous animent. Mais ce n'est pas ni dans Sud Presse, ni dans la Dernière Heure, ni dans la Nouvelle Gazette qu'il faut attendre ce type d'informations-là. Donc, méfiez-vous aussi d'une analyse qui globalise tout le temps la presse. Hein. Lisez Imagine, lisez Politique, lisez Alternative Libertaire ou Solidaire, et vous aurez effectivement beaucoup plus sur le TTIP que dans la Dernière Heure. Mais par rapport à des journaux qui, soi-disant, répondraient à la demande du lecteur. Serge Halimi disait une phrase très intéressante. Il disait « Il faut rendre intéressant ce qui est important et pas important ce qui est intéressant ». Donc, il donnait l'exemple du décès de la princesse de Galles. C'est beaucoup plus intéressant, mais beaucoup moins important que les causes de la famine dans des pays d'Afrique. Donc, je ne suis pas d'accord que présenter de manière pédagogique le TTIP au lecteur, ça va faire qu'ils fuiront et qu'ils n'achèteront plus la presse. Le problème, c'est que la presse dépend de la publicité et dépend... est devenu un produit commercial, et ça va pas. ça, ça va pas. Peut-être que quand vous parliez justement de la proposition de Rimbert du Monde Diplomatique de créer un autre type de presse, c'était justement ça, que ça soit plus une presse commerciale et que la presse people soit considérée comme une presse qui n'est pas une presse d'information et pas une presse généraliste. Oui, d'inventer autre chose, c'est possible. Hein. Quand vous parlez, en fait, ça donne l'impression comme si les choses étaient comme ça. Il faut accepter qu'elles sont comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, et ce n'est pas simplement Alexandre ou Graziella qui pensent ça. Clairement, la presse, elle ne va pas bien, quoi. Et que dire d'autre ? Et donc, ce qu'on trouve dans la presse, c'est inintéressant. C'est devenu du marketing, quoi. Voilà, regardons les choses en face. Et quelque part, nous, on propose le changement. Voilà, changeons les choses. Une presse accessible à tout le monde, quoi. Voilà, pourquoi pas. Bon, alors, on va cesser le jeu de rôle. Je redeviens journaliste et AJP. Ce que j'ai dit auparavant, c'est essayer de décrire une situation et d'y apporter quelques nuances par rapport à des jugements, je trouve, parfois un peu à l'emporte-pièce. Mais ce n'est pas la presse que j'ai envie de voir se développer. Évidemment que notre réponse à nous, à JP, aux professionnels, c'est de sortir de cette foutue crise de la presse par des réponses qualitatives. Et les réponses qualitatives, c'est quoi ? C'est les gens qui vont inventer de nouvelles formes d'organisation de production de l'information. C'est des gens qui vont oser sortir de l'agenda médiatique imposé par les grandes agences internationales. C'est sortir de la pensée dominante, c'est effectivement oser aller à rebrousse-poil de ce que le lecteur attend. Ce slogan est insupportable. Hein. Le lecteur ne souhaite pas ça ou le lecteur souhaite ça. Ça ne sont jamais que des rédacteurs en chef ou des directeurs qui ont décidé ce que le lecteur voulait ou ne voulait pas. Et moi, j'étais journaliste dans des médias dits plutôt de référence où notre honneur, c'était de faire des couvertures ou d'aborder des sujets que le lecteur n'attendait pas et quitte à le bousculer, le secouer un tout petit peu dans ses convictions. Donc, on est d'accord, c'est fini alors, c'est bon, on est d'accord. C'est fini. Mais il faut que la JP se prononce pour un autre journalisme et pour aussi une autre forme de rémunération ou de subside ou d'aide étatique ou n'importe quoi. Il faut y penser, il faut réfléchir. Et ça, je ne le retrouve pas. C'est aussi... Pour une presse libre, pour un ton libre, pour pouvoir écrire des choses sans se faire virer parce que vous les avez écrites, vous voyez, vous les avez dénoncées, vous les avez racontées, quoi. Je signale que c'est le combat de fond de la JP et qui, en ce compris sur l'aide à la presse, on n'arrête pas de faire des propositions. Si vous avez suivi il y a quelques années les états généraux des médias d'information, eh bien, vous aurez entendu nos interventions et nos propositions très concrètes à ce niveau-là et qui ont fait, en général, hurler les éditeurs. Mais vous pensez vraiment que l'État, le gouvernement, a envie d'une presse libre ? Nous, on a une expérience en termes de demande de subsides au niveau de Kairos. On en écrira un article qui, c'est vraiment, c'est dingue ce qui s'est passé, c'est mafieux, c'est fou. Voilà, l'aide à la presse périodique, c'est 4 journaux qui sont bien installés, hein, vous les connaissez, c'est Imagine, c'est La Revue Nouvelle, c'est Politique et c'est L'Appel. Alors nous, on se rajoute comme 5e, hein, l'enveloppe est fermée, donc tout le monde perd un peu. Qu'est-ce qui se passe après ? On reçoit les subsides, 2 semaines après on nous dit attention, n'y touchez pas, on va vous les retirer. Ah tiens, tout d'un coup on nous les retire alors que c'était... décidé au niveau du gouvernement. Et après, on apprend que les 4 presses ont rencontré le gouvernement Marcourt, qu'ils ont revu toutes les conditions de l'aide à la presse, qu'ils ont rajouté 4 points. Pour refermer l'accès. Pourquoi ? Parce que qui est réellement gênant, peut-être, dans ces 4 presses ? Peut-être nous. En tout cas, on n'a pas envie qu'on bénéficie de l'aide à la presse une deuxième fois. On essaye de... C'est dingue ce qui s'est passé, quoi. Les 4 les rencontrent dans notre dos un peu et décident ensemble des nouveaux critères d'accès à la presse sans aucune discussion parlementaire. C'est fou. C'est digne d'une république bananière, quoi. Je suis désolé. Je vous joins là-dessus. Je trouve que cette disposition pose un vrai problème. Et vous avez entendu parler de ça ? Vous étiez au courant un peu ? Pas de la modification de critères pour vous écarter. Ça pas, mais je connais le système depuis qu'il existe. Il fait problème parce qu'il dépend de l'arbitraire d'un ministre qui va un peu jouer Père Noël en fonction des meilleurs lobbyeurs ou en fonction de copinage politique. Donc autant l'aide à la presse quotidienne, elle est réglée par un décret et c'est clair, au moins dans les conditions d'éligibilité à la presse quotidienne, et on connaît l'enveloppe et on sait comment elle est partagée, autant pour la presse hebdomadaire, il y a un problème parce que ça ne relève pas d'un décret, mais ça relève d'un arrêté dont on peut très facilement modifier les critères. De manière totalement arbitraire. Voilà, on est d'accord, c'est très bien, ça fait du bien, parce que petit à petit, on se disait, on va devoir défendre... Donc, il y a des choses qui ne vont pas dans la presse, quoi. Que faire, comment faire pour... Comment faire pour changer ça ? Ce qui ne va pas, c'est que dans ces deux logiques qui traversent toute entreprise de presse depuis le 19e siècle, la logique économique et la logique éditoriale, et ces deux logiques sont nécessaires. Elles étaient en relative tension, enfin, en relatif équilibre. Tendues, certes, mais en relatif équilibre. Depuis une quinzaine d'années, les logiques sont en déséquilibre. C'est la logique économique qui domine très manifestement la logique éditoriale. Et ça veut dire que les journalistes aussi ont perdu l'autonomie de leur métier. Ils ne peuvent plus penser leur sujet, penser leur démarche, penser leur choix de témoin, penser et décider de leur longueur. Et donc tout ça a fortement changé. Et aujourd'hui, les journalistes, globalement, c'est attention à la caricature, sont davantage des personnes qui sont tenues d'exécuter un certain nombre d'instructions de la logique économique et des acteurs économiques pour maintenir leurs médias et leur job. Donc, ou des journalistes comme ici Alexandre Pénas du journal Kairos qui travaille, qui a un boulot sur le côté et qui essaye de faire vivre un journal avec des idées et une pensée dedans. Il y a ce cas de figure-là. Oui. Parce que l'enjeu dans ce déséquilibre entre les logiques, c'est soit de rétablir l'équilibre, soit de supprimer la logique économique. Kairos n'a pas de logique économique en soi, si je puis dire, puisqu'il n'y a pas de modèle industriel, ce sont des bénévoles, je ne sais pas comment c'est vendu, quels sont les coûts. Mais sans rémunération. Voilà. Mais il y a un modèle économique. Mais est-ce qu'on peut être durable et viable dans une publication qui fait appel à du travail, à de la prestation, c'est pas être qu'on peut, l'énergie. Faudrait l'être. Il faudrait l'être parce qu'on fait un travail de salubrité. Un modèle économique qui n'est pas satisfaisant. Et c'est ça le problème, c'est comment ça se fait. Je veux dire, on comprend pourquoi évidemment, mais comment ne se bat-on pas parmi les journalistes pour changer ce modèle où, quand on fait un journalisme critique, on ne peut pas en vivre au moins un tout petit peu, parce que voilà, c'est ça le plus dur, c'est l'énergie. Parce que ça ne se change pas sur un coup de baguette magique, mais il y a des expériences qui se développent. Le faire là-bas. Les expériences 24 heures heureux, une Médor, Imagine, Kairos et autres sont en train peut-être de développer une nouvelle culture. Le crowdfunding, j'y crois pas plus que ça, mais est aussi en train de développer une espèce de nouvelle, un nouveau mode de financement de certaines expériences médiatiques. Des collectifs d'investigation internationaux, on invente aussi des nouvelles modalités. Donc, je ne suis pas complètement désespéré. Non, il y a des raisons d'espérer d'avoir des nouvelles formes de production médiatique qui vont peut-être se mettre en place, que la vieille culture d'aide à la presse, la vieille culture des pouvoirs politiques va forcément devoir un moment changer, parce que l'identité journalistique change et parce que les participants, les acteurs de la production médiatique changent aussi. Donc tout ça, on est pour le moment sur un entre-deux. C'est pas clair, on est un peu tous perdus et les choses doivent se reconfigurer doucement. Moi, je crois, enfin, vous allez me dire sincèrement, de toute façon, c'est toujours la même chose, s'il y avait une réelle volonté à faire en sorte que le... J'ai vu récemment Chien de garde. J'ai repris, j'ai réétudié, j'ai vu, et Noam Chomsky. Ben voilà, à l'époque, le gars, Noam Chomsky, quand il raconte, et on le voit faire ses débats... Eh bien, il y a des gens qui disent, mais ce type, il est parano, quoi. Il croit vraiment. Mais si vous regardez les choses platement, parce que comme s'il suffirait que c'était juste une question financière, que le problème, en fait, d'une presse intéressante et de qualité, en fait, le problème, c'est juste une question financière. C'est pas ça le problème, hein. Ce n'est pas que ça le problème, quoi. C'est, je pense, il n'y a pas de réelle volonté à faire en sorte que. Qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se passe. On regarde les choses par le bas et de plus en plus fort aussi, quoi. Vous citez souvent ce mot « intéressant ». Attention à des jugements de valeur. Non, mais allez, intéressant, je veux dire par là... Moi, je ne sais pas. Par exemple, j'ai un exemple. Et là, c'est plutôt de la radio. C'est-à-dire que sur une chaîne, vous allez entendre un artiste, un écrivain. Celui qui va interviewer cette personne va lui demander qu'est-ce qu'il mangeait quand il était petit. Enfin, on s'en fout. Et vous voyez, c'est un peu ça, c'est pas que c'est inintéressant, c'est qu'on s'en fout de la vie, du nombrilisme, de l'orgueil, du narcissisme. Il faut aller vers quelque chose. Je veux dire, pour reprendre l'exemple du TTIP, c'est pas une information pointue pour des spécialistes. Ça, c'est l'intérêt de tout le monde, quoi, de savoir ce qui se passe en cachette en dessous de la table, vous voyez ? Voilà. Est-ce que c'est vraiment une question financière de... Est-ce que c'est un problème économique ? Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de réelle volonté de mettre les choses. Regardons-les, et puis c'est tout. Et on est d'accord, et puis on arrête le micro ouvert, là. Je pense en tout cas... Moi, je ne rêve pas d'un kiosque à journaux où je n'aurai le choix qu'entre le monde diplomatique, kéros et solidaire. Je pense qu'il faut avoir une véritable diversité de la production médiatique, comme dans plein d'autres choses. Comme en cuisine, comme en architecture, comme en... Elle n'existe plus, c'est ça que tu dis. Elle n'existe pas. Oui, ah non. Mais ça y est, pardon. Donc, ce qu'il faut, c'est que, rêvons un peu, qu'il y ait de la place pour un grand journal, pour des journaux locaux, régionaux, pour des journaux populaires, pour des journaux, des hebdo télé, etc. C'est bien, pour autant qu'il y ait aussi dans ce kiosque et accessible à tout le monde, des journaux qui vont, eux, expliquer le TTIP, qui vont être critiques, qui vont aller à contresens. Donc, ce qu'il faut, c'est, enfin, à mon sens, c'est non pas rêver une espèce de... d'homogénéité médiatique qui irait dans le sens de la critique, l'analyse à tout craint, il n'y aurait plus que du monde diplo partout, c'est une diversité des médias, de l'offre médiatique pour que je puisse aussi trouver en Belgique quelque chose qui ressemblerait à un monde diplo belge ou qui ressemblerait à... Tout à fait d'accord, sauf qu'une fois qu'on aura retiré la publicité des journaux, de la télévision, de même les contenus changeront, parce que les contenus maintenant sont faits pour attirer ce qu'on considère dans la critique de la presse traditionnelle comme un lecteur produit, qu'on vend à des entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui placent leur publicité. Une fois qu'on aura retiré ça, la façon dont on abordera les articles sera totalement différente. C'est pour ça. Nous, on n'aborde pas ces articles-là de cette manière-là parce que, tiens, on est dans ces idées-là, ces opinions. Non, on l'aborde parce qu'on pense que c'est une manière de rendre l'information importante pour le lecteur. Et donc, quand on voit que le soir, en septembre 2014, il consacre sa page 2 et 3 à des articles, hein, articles vraiment, sur l'iPhone 6, qui ne sont pas des articles, qui sont faits des publicités, c'est assez déplorable, quoi. Voilà. Les conclusions de cette discussion, même si elle n'est pas vraiment conclue, cette question. Mais j'ai pas de conclusion comme ça, mais sur le poids de la publicité, qui est évidemment réel, on ne va pas le nommer. Il n'y a pas ce lien aussi direct que vous suggérez entre les contenus informatifs et la publicité. Hein, Marchand le dit aussi, hein, le président du groupe Rossel, mais je crois que la publicité a une influence énorme sur le contenu éditorial. Elle a une influence, mais voyez que les publicités sont malheureusement très très en chute libre, oui, dans les journaux papier. On n'a pas vu que ça modifiait fondamentalement les sujets et la façon de les traiter. Et voyez que la publicité n'est pas encore très présente sur les sites internet. Et on a aussi un contenu informatif qui n'est pas fondamentalement différent de ce qu'on lit dans le papier. Présente, mais elle est toujours. Pas de caricature. Non, la conclusion, s'il y en a une, moi je dirais qu'il y a effectivement, on est dans une période... pas très enthousiasmante au moment où on se parle, mais qu'il y ait aussi plusieurs raisons d'espérer qu'on peut répondre à ce malaise médiatique ambiant par le haut. C'est effectivement les nouvelles poches d'expérience médiatique, c'est les mentalités qui évoluent, c'est la réflexion sur les systèmes économiques, notamment à travers des propositions d'analystes, c'est du débat qui retrouve, et de l'investigation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'investigation est aussi en train de retrouver des lettres de noblesse, notamment dans des médias dits traditionnels. Dernier mot, t'as rien à rajouter, fini ? Je crois que non, je crois qu'il faut une grande honnêteté de chaque côté. Et voilà, à un moment donné, reconnaître que ça va pas bien, le journalisme ne se porte pas bien, c'est pour ça qu'il y a des alternatives et des propositions de faire autre chose. Et voilà. Je ne crois pas que ça viendra du haut, comme vous dites. Mais voilà. Je rajoute une petite annonce, parce que je trouve que c'est pas très clair. Le monsieur que vous allez entendre là tout de suite, il travaille à Carrefour di Culture, qui est une association à Namur. Donc il gère cette association, et c'est cette association, avec ce monsieur, que se fait ce deuxième salon des médias alternatifs à Namur. Et alors je confonds un peu comme ça, donc on se trouve bien, pas au Carrefour des Cultures, mais au Salon des Médias Alternatifs. J'ai un de celui qui organise ce Carrefour des Cultures, c'est ça, hein, monsieur? Donnez-moi votre prénom. Mais non, c'est pas obligé, ça peut rester anonyme en fait. Non, je peux. Je vais donner mon nom. Je m'appelle Charles Khalil, je suis administrateur délégué de Carrefour des Cultures. À Namur. À Namur, bien entendu. Bon, ben allez, ça y est, c'est ce deuxième salon du média alternatif, et on peut dire que c'est carrément un flop, quoi. Ça, y a pas de monde, si ce n'est, heureusement, les jeunes qui vont à l'école et qui sont obligés de venir au... Bon, c'est une boutade, mais bon, voilà. Non, c'est très bien de parler de flop, et de parler d'échecs, et de parler aussi de la construction, et de parler vraiment de réussite. Moi, je dirais qu'une initiative comme celle-ci, comme toute initiative qui émane de l'associative, il doit vraiment, comment dire, se structurer dans le temps. Il doit aussi se baser vraiment, comment dire, sur les contributions diverses. Je crois que l'associative isolée, comme une radio-camion isolée, ne peut pas aller très loin, ça c'est sûr. Il faut essayer vraiment, comme on dit, de développer des synergies, de penser les médias, de penser la collaboration avec le monde associatif, pas seulement dans le domaine des médias, mais partout. Je crois que l'associative aujourd'hui, elle est loin d'être vraiment, comme on dit, l'associative qui anticipe sur l'action politique, sur le politique lui-même, sur vraiment, comme on dit, les problèmes sociétaux. Alors ce qu'il fait, la seule manière vraiment, comme on dit, d'exister comme un associatif capable d'accompagner les transformations de société, c'est un associatif qui sait travailler avec les autres. Ok, mais on va essayer de pas rester calé uniquement sur qu'est-ce qu'il faut faire, ou en tout cas là. On est au Salon des médias alternatifs, à Namur, année 2015. Comment ça se fait? Comment vous expliquez? Parce que c'est vous, quelque part, qui organisez. Vous avez un subside, en fait, pour faire fonctionner ce salon. Comment ça se passe, en fait? Et parce qu'on est aussi en dessous de la gare de Namur. C'est un endroit... Comment ça s'appelle, ici? C'est Cap Nord. Oui, mais c'est quoi exactement le Cap Nord? C'est la région wallonne. Donc c'est un bâtiment de la région wallonne, quoi. Public. Oui, tout à fait. Et alors, si vous parlez de la subvention, je peux dire que cette activité, ce salon, n'a pas eu une subvention. Je crois que Carrefour du Culture, c'est une association qui développe des projets, pas à partir d'un appel à projet, c'est à partir, vraiment, comme on dit, d'une vision qui est la sienne, et de se lancer dans un projet, même sans avoir une subvention. Si tu me parles de la logique de la subvention, et n'est pas d'application. C'est parce que ça donne vraiment l'impression que, enfin, je vous dis, hein, je suis un petit peu, mais rentre dedans, c'est comme si ça donnait l'impression que vous aviez reçu un subside et qu'il fallait absolument le dépenser. C'est pas du tout bien organisé, en fait, voilà. C'est organisé un peu à la dernière minute. Je suis pas d'accord avec toi. De dire que c'est pas bien organisé, je suis pas d'accord avec toi. Le fait d'associer vraiment, comme on dit, 34 opérateurs, 34 acteurs médiatiques dans le même espace, c'est pas quelque chose qui est facile. Il faut dire, moi je crois que même le politique qui a les moyens aujourd'hui n'est pas capable de rassembler vraiment, comme on dit, 34 ou 35 opérateurs. Mais c'est pas la quantité, c'est la qualité en fait du salon. Et là, moi personnellement, ça fait comme si on venait au marché, voir qu'est-ce qui existe sur le marché des alternatives médiatiques. Tu vas parler du contenu aujourd'hui. Alors le contenu, il y a deux contenus. Si tu parles en termes de contenu, il y a le contenu que tu dois le respecter, c'est celui de l'opérateur lui-même, de l'acteur médiatique qui participe, celui de l'exposant. Je vais essayer de m'immiscer, vraiment, comme on dit, et d'imposer à l'exposant d'apporter vraiment une marchandise qui n'est pas la sienne. Ça, c'est une chose. Le deuxième contenu, c'est le contenu qui est développé ou pensé ou réfléchi par Carrefour des Cultures. Comment il a essayé d'habiller vraiment, comme on dit, cet espace. Alors, ce qu'il fait, il y avait deux espaces de réflexion. Je crois, deux espaces de réflexion, c'est pas facile. On sait très bien que la réflexion n'est pas facilement acceptée par même le citoyen, même l'averti, et n'aime pas aujourd'hui la réflexion. Alors on a osé faire vraiment deux points de réflexion. À midi, il y avait le premier, c'est concernant un sujet qui est très chaud, très important, et qui lie vraiment, comme on dit, la démocratie aux médias. C'était quoi le sujet, en fait ? Le sujet, ça a été vraiment les traités transatlantiques et les médias. Alors, ce qu'il fait, au contraire, moi je dirais, c'est un sujet très intéressant, c'est un sujet qui occupe aujourd'hui une place très importante dans le débat de société, mais il n'est pas non plus, vraiment, comme on dit, bien caressé par tout le monde. Ça, c'est sûr. Deuxième débat, c'est le débat qui va avoir lieu, et j'espère que tu restes pour essayer d'interroger. Ah, mais j'enregistrerai ce débat ce soir avec... C'est le débat concernant le traitement des exclusions dans le discours médiatique. Alors voilà, ça veut dire nous, on n'est pas là pour essayer de faire une parade, ni de faire le marché, ni de faire vraiment, comme on dit, la brocante. L'objectif qui est recherché, c'est quoi ? C'est d'essayer vraiment, comme on dit, de développer une réflexion avec ceux et celles qui veulent la développer. D'accord. Alors, deuxième contenu, je m'excuse parce que tu parles de contenu. Alors, deuxième chose qu'on a essayé de développer, c'est l'animation. L'animation avec les élèves, professeurs et avec un public vraiment qui est exclu du débat médiatique, à savoir le public alpha. Il y a deux animations qui étaient très importantes depuis le matin. Une qui s'appelle Tribune des clichés, c'est avec les futurs professeurs, c'est avec les futurs acteurs de la socialisation de l'enfant. Alors sur les clichés. Deuxième, c'est avec Alpha 5000, qui est un public vraiment, comme on dit, très intéressant aussi, parce qu'il est exclu du discours médiatique. En dehors de l'animation, de ces deux animations, il y avait ça, mais il ne faut pas obliger, il faut dire que l'État... Il y avait ça, mais on ne voit pas en radio. Il y avait quoi, ça ? Il y avait cette tribune des médias. C'est une manière vraiment de lire les médias par le citoyen. Mais il faut dire la vérité, on ne va pas obliger le citoyen, vraiment, comme on dit. Ce n'est pas de ne pas l'obliger. Il faut, à certains moments, que les acteurs de la vie associative doivent dire quel est l'état aujourd'hui de conscience de collective. Et voilà, c'est ça qu'on a pu récolter avec les petits trucs qu'on a pu ramasser pour apprécier les médias par les citoyens. Ça veut dire que c'est un regard critique et pas une parade. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y avait aussi, on a pu rassembler toutes les productions des acteurs médiatiques. On a diffusé dans l'espace diffusion. Je crois un programme comme celui-ci, même les acteurs, et Dieu sait que la majorité elle appartient à un monde qui se veut progressiste. Mais quand vous parlez d'acteurs, c'est de qui vous parlez, les acteurs ? Les différents exposants. Voilà. Mais moi, en fait, c'était plus ça. Je suis là, j'étais au premier salon, là maintenant je suis au deuxième, et je trouve... voilà, que vous dites qu'il faut être critique et blablabli et blablabla, ben oui, je pense que dans le paysage médiatique aujourd'hui, ceux qui dominent, il y a un petit peu moins de liberté à pouvoir dominer, normal, hein, puisque... Attendez, parce que sinon, je vous écoute, vous m'écoutez, mais c'est comme si, il manquait un petit quelque chose, et peut-être, quand je dis petit, c'est peut-être autre chose, je trouve qu'il y a il y a quelque chose qui ne prend pas, quoi, voilà. Et comme moi, vous m'avez invité aussi en tant que média alternatif, les choses se sont mises un peu à la dernière minute, à la va-vite, il n'y a pas eu de rencontre au préalable. Il manque, je trouve, dans ce salon, il manque un ton, il manque une saveur, comme ça. Je vous dis, c'est comme si les exposants viennent, exposer ce qu'ils font, très bien, il y a un ou deux débats, j'espère que ce soir il sera intéressant. Mais il n'y a pas de... Je ne sais pas, il manque quelque chose. Ah oui, ça c'est sûr qu'il manque. Qu'il manque beaucoup de choses. Pas seulement une chose ou quelque chose, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il faut un peu de patience. Il faut un peu de patience et il faut croire. Moi, je crois, si je ne crois pas, tu ne vas pas me trouver ici. Ça, croire. Croire à ce que cette initiative peut s'élever, peut avoir vraiment, comme on dit, plus de force à l'extérieur. Mais pour ça, il faut savoir, vraiment, comme on dit, la bien mesurer. La bien mesurer dans son évolution, dans les collaborations, dans la manière, vraiment, comme on dit, de la présenter à l'extérieur. C'est pas quelque chose de facile, hein. Moi, si je me trouve vraiment, comme on dit, à votre place, je ferai peut-être le même et je vais essayer de critiquer. Mais la seule critique que je vais essayer d'accentuer très fort, c'est la critique qui peut faire avancer cette initiative. Parce qu'une initiative comme celle-ci, elle est importante, mais sa force, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Et comment vous feriez avancer un peu ce salon, puisque c'est année 2015? C'est un flop ou pas un flop? Je ne sais plus. Non, non, moi je ne dirais pas que c'est un flop. C'est le fait de pouvoir faire une deuxième édition, et je reviens à tes paroles, c'est de dire, est-ce que c'est une activité subventionnée, et comme ça on va dépenser, et comme ça on va justifier et faire un rapport. Ça donne cette impression. Hein. Je te dis non, malheureusement, et alors ça me fait plaisir, parce que pourquoi? Je te parle. Et j'espère que ton émission soit écoutée par aussi ceux qui décident. Alors que je te parle, cette initiative, c'est une initiative vraiment qui n'a pas été subventionnée. Et qu'on fait ça avec les moyens de bord, ça c'est sûr. Voilà. Mais n'empêche, vous avez un beau tuyau quand même pour faire ça dans les bâtiments, dans des beaux bâtiments. Mais c'est pas seulement Carrefour de Culture, n'importe quelle association qui veut développer un projet sérieux, une demande sérieuse, pour avoir cet emplacement, je crois qu'il peut l'avoir. C'est pas cher. Non, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ah ben voilà, Cap Nord, en dessous de la gare de Namur, il y a des bâtiments accessibles à tout projet. Oui, tout à fait. Et alors, ça me fait plaisir parce que la première fois qu'on a vraiment arpenté le sol de ce bâtiment, il y a 7 ans. Oui, même 8 ans. On a fait ici un projet qui n'a aucun rapport avec les médias, c'est un projet peuple et culture. Et la première semaine qu'on a réalisée ici, ça a été la semaine maghrébine. Voilà. Et nous, ça, c'est pour ça que je suis pas. C'est pas. J'adore la critique. Je peux pas me développer s'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde, qui m'observe et qui me dit ce qui ne va pas. Celui qui va me dire ce qui va, ça m'intéresse pas. Bon, c'est aussi intéressant d'entendre dire. Faut entendre les deux. Il faut avoir. Deux oreilles. Hein. Non. Moi, au contraire, celui qui me dit qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Mais pas avec une mauvaise conscience, avec une bonne conscience, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut éveiller en moi vraiment un courage nouveau pour essayer vraiment, comme on dit, de construire encore plus. Celui qui va rester indifférent, moi, il ne m'intéresse pas. La critique, ça constitue un élément important pour élever un projet. Ça, c'est sûr. De dire « Ah, c'est très bien », moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est sûr. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci d'être présent à ce deuxième débat de la journée, de ce deuxième salon des médias alternatifs et des alternatives médiatiques. Déjà rien que le titre est toute une question en elle-même. Le thème de cette soirée, qui a été choisi par les organisateurs, est « Quelle place dans les médias pour toute une série de personnes que l'on peut qualifier d'exclus, les chômeurs, les migrants ?» Les marginaux de toutes sortes, on va dire ça comme ça. Quel est le traitement que l'on réserve à ces phénomènes d'exclusion dans les médias? Et y a-t-il une forme de marginalisation ou d'auto-marginalisation de ce qu'on pourrait appeler des médias alternatifs? Encore faut-il s'entendre sur ce que c'est que des médias alternatifs. Alors pour en parler ce soir, bien 7 personnes, pas moins, donc panel très riche, dont la première caractéristique est peut-être qu'il y a une forme d'exclusion déjà d'un certain nombre, d'une certaine catégorie de personnes, j'ai envie de dire, puisque malheureusement, et même si chacun a sans doute d'énormes qualités, parmi eux ne figure aucune femme. Bon, voilà, désolé, mais c'est un constat. Donc je suppose qu'il y a quand même moyen de trouver pour débattre de ce sujet, de ces sujets intéressants, d'avoir aussi des femmes qui font partie intégrante de notre société. Et comme syndicaliste, je veux dire moi-même que nous ne pratiquons pas toujours l'intégration suffisante des femmes dans nos structures syndicales. Donc voilà, chacun peut battre sa coulpe sans doute sur le sujet. Alors je vais vous présenter très rapidement chacun de nos intervenants, en commençant par François Collinet. Excusez-moi, mais je ne les connaissais pas vraiment tous avant ce soir, donc j'ai essayé de garder un petit peu ce que je pouvais trouver comme information pour les qualifier, pour dire en quoi ils vont apporter leur expertise ce soir. François Collinet est un psychologue, et donc c'est aussi avec ce regard de psychologue qu'il va analyser les questions d'exclusion ce soir, mais pas que psychologue, puisqu'il est professeur à l'Institut supérieur de formation sociale et de communication à Bruxelles. C'est aussi un chroniqueur culturel sur le site de la RTBF et il s'investit évidemment énormément dans la promotion de la reconnaissance de la dignité des personnes handicapées. À côté de lui, Jean-Claude Garot. Jean-Claude Garot se définit lui-même comme anarcho-syndicaliste. Donc on peut reprendre cette idée. Il se situe à la gauche radicale, mais il est quand même aussi un petit peu éditeur, puisqu'il a quand même passé toute sa carrière dans le monde de l'édition. Il a fondé un mensuel en 1965 qui s'appelait Le Point, auquel ont collaboré de très illustres personnages, puisqu'il n'y a pas moins que Jean-Paul Sartre, Aragon, Pierre Mendès-France, qui faisait le premier numéro, si je ne me trompe pas. Et puis, quelques Belges aussi, de renom, Jean-Jacques Lespers, Hugues Lepage, André Menu, pour citer des personnes qu'on connaît bien à l'RTBF, et François Martou, entre autres. La liste est évidemment trop longue pour être exhaustive. Il a fondé l'hebdomadaire Pour, qui a fait l'objet d'un incendie criminel en 1980, incendie attribué à l'extrême droite à l'époque, un média qui dérangeait peut-être, on ne sait pas. Et puis Pour renaît de ses cendres, j'ai envie de dire, en 2015, en s'attaquant à un sujet extrêmement important, méconnu du grand public, qu'est le traité transatlantique ou le grand marché transatlantique. On peut y mettre plein de noms. Stéphane Houbeck est juriste à la RTBF. Il est coordinateur de l'éducation aux médias. Et donc, il a été l'auteur d'un livre sur la liberté d'expression. Donc, lui, il va nous parler sans doute aussi de ce que fait la RTBF. On ne sait pas, on va voir. Alors, Abel Carlier, professeur honoraire à l'IEX, plus spécialement dans l'analyse des représentations médiatiques, audiovisuelles et multimédia. Il était ex-coopérant pour la formation de journalistes en pays étrangers, Bolivie, Cambodge, Burkina Faso, membre du Conseil supérieur de l'éducation aux médias de la communauté française ou Wallonie-Bruxelles, comme on dit maintenant, et surtout cofondateur d'un master en éducation aux médias à l'IEX. Alexandre Penas, lui, il est psychologue dans un centre PMS et il est surtout le rédacteur en chef, cofondateur de la revue Kairos, qui se veut une revue, un journal anti-productiviste visant à promouvoir une société où les citoyens seraient considérés comme autrement que des consommateurs de plein de choses. À côté de lui, Ronnie Ramirez nous vient de Zine TV, qui est une association de participative de télévision de participation citoyenne. Voilà, c'est magnifique. C'est encore mieux dit quand c'est télévision, en fait. Voilà. Et puis le dernier, mais pas le moindre, certainement, Michel Collomb, journaliste, essayiste, fondateur du collectif indépendant Investigation, qui est aussi une maison d'édition, et qui a été, avec Gérard de Sélis, un des évocateurs du concept de média mensonge, qu'il a défini plus longuement par la suite. Investigation, c'est aussi une newsletter qu'on reçoit, je reçois moi dans ma boîte mail presque tous les jours, sur des sujets qui viennent du monde entier, des vidéos à contre-courant, mais aussi des médias qui nous aident à décoder l'info, la voix de ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est de nos intervenants. Donc, je rappelle les questions. Quelle est la place des exclus dans les médias? Quel est le traitement médiatique réservé aux exclusions? Auto-marginalisation des médias alternatifs. Et j'ai envie de dire, quand on parle de traitement médiatique, est-ce que finalement les médias eux-mêmes, dans leur manière de traiter les choses, n'induisent pas des phénomènes d'exclusion? Voilà un petit peu les différents thèmes. Mais pour commencer le débat, qu'on va essayer d'envisager en deux parties. Une première partie où je vais questionner nos intervenants, puis une deuxième partie où j'espère que vous questionnerez les intervenants. Je vais d'abord poser une question, François peut-être. François, quelle est la place pour les minorités de tout genre? On ne va pas parler uniquement des personnes handicapées, ça fait partie des minorités, mais il n'y a pas que ces personnes-là qui sont minorisées dans les médias aujourd'hui et qui se retrouvent dans des phénomènes d'exclusion. Voilà, là vous m'entendez. Merci pour la question, merci d'animer ce débat. Bonsoir à tous. En effet, je pense qu'il y a un certain nombre de minorités, on ne va pas les reciter tous. Et je pense qu'un des problèmes, une des choses qui nous lie en tant que minorité, c'est que souvent, les médias relayent les stéréotypes qui sont liés à ces minorités. Alors, moi, je ne trouve pas ça anormal. Je pense que quand on doit parler de gens qui sont en dehors, je ne veux pas dire de la normalité, mais en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est normal qu'on soit guidé par un certain nombre d'idées préconçues, de stéréotypes qui sont véhiculés dans notre société. Alors, en effet, moi, j'ai la chance et la malchance, parce que je pense que c'est à la fois une chance et une malchance d'être né avec... avec un handicap qui fait que je vois peut-être les choses avec un prisme un tout petit peu différent. Et ce qui est, je pense que ce qui est à questionner, c'est la façon. C'est pas tellement le fait qu'on les voit peu. Je parle ici des personnes handicapées, mais on pourrait avoir la même réflexion pour d'autres types de minorités. Parce que le fait qu'on les voit peu peut s'expliquer par toute une série de phénomènes. À commencer par le fait ça n'est pas étonnant qu'on voit peu les personnes handicapées dans les médias à partir du moment où les personnes handicapées sont trop peu associées à la société. Les médias, pour moi, doivent être le reflet de ce qui se passe dans la société. À partir du moment où c'est compliqué pour une personne handicapée de prendre son rôle de citoyen pleinement en main parce qu'il y a des peurs qui sont tout à fait légitimes, parce que les infrastructures publiques sont peu adaptées et parce que ça peut être compliqué pour plein de raisons pour une personne handicapée de se confronter au monde des valides, à la normalité, eh bien, il ne me paraît pas illogique que la représentativité des personnes handicapées dans les médias soit corollaire de ça. Donc ça, c'est pas tellement... Enfin, on pourrait discuter des heures et c'est passionnant à débattre, mais je pense pas que c'est ça le premier sujet ici. Moi, ce qui me pose plus question en tant que journaliste de formation et puis en tant que psychologue également, c'est la façon dont on reproduit en fait un certain nombre de stéréotypes quand on parle de minorités dans les médias. Et les exemples que j'ai sont des exemples liés aux personnes handicapées, forcément, puisque c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attentif. Je suis marqué souvent par le fait que quand on parle des personnes handicapées, c'est soit dans le cadre d'actions caritatives, genre CAP 48, Viva for Life, même si le focus est là, mis sur les personnes en grande pauvreté, soit le Téléthon, des choses comme ça. Donc c'est soit pour obtenir de l'argent, ce qui peut être une très bonne raison. On ne va pas débattre ici de l'utilité ou non de ces opérations. Donc soit dans un prisme, ce sont des personnes qui ont des difficultés, il faut les aider. Soit dans un prisme d'héroïsme. On va parler d'une personne handicapée qui a fait... qui a traversé les océans à la nage, sans bras et sans jambes. Non, mais c'est vrai. On va parler d'une personne handicapée qui aura marché pendant X temps avec une prothèse, ou qui aura fait quelque chose, en fait, qui sort de l'ordinaire pour elle, mais qui sort aussi de l'ordinaire pour tout le monde. Il n'y a personne qui traverse les océans à la nage. Enfin, il y en a, mais pas beaucoup. Donc, Donc on va soit avoir un discours « il faut les aider », soit avoir un discours « regardez, ce sont des héros qui font des choses que nous-mêmes ne faisons pas ». Et donc moi, ça me pose question parce que moi, je suis ni un misérable ni un héros. Et mes amis qui sont aussi handicapés, on ne se retrouve pas dans cette façon de représenter notre différence. Et je pense qu'on aurait fort à gagner à essayer de présenter ces personnes comme des citoyens, comme des gens qui se posent les mêmes questions pour avoir des enfants, pour la garde de leurs enfants, pour la difficulté de trouver du travail ou de le garder, etc. Et donc, les seuls moments, en fait, où je pense qu'on parle de... on voit ces personnes, c'est quand il leur arrive quelque chose qui n'est pas acceptable, qui choque, qui frustre, etc. Alors c'est très bien, moi j'ai la chance de travailler à la RTBF et donc de pouvoir porter un certain nombre de questions sur l'accès au transport, sur la discrimination, etc. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi, à certains moments, pouvoir présenter des sujets de société, comme on le fait avec les valides, en incluant parfois dans les témoignages des personnes handicapées. C'est pas parce que je suis handicapé que je peux pas intervenir sur un sujet lié à l'éducation des enfants, par exemple, ou à l'aménagement du territoire. Or, j'ai parfois l'impression qu'on fait appel à moi quand il y a quelque chose de spécifique par rapport à mon handicap. C'est en même temps logique. Je ne suis pas en train de donner des leçons à mes confrères, mais en même temps, on aura gagné une bataille le jour où il y aura une personne handicapée dans un panel de répondants, quand il y aura une personne handicapée dans une série qui n'est pas centrée sur le handicap, puisqu'il y a Vestiaire en France qui est centrée sur le handicap. Je vais terminer en vous donnant un exemple. Je suis rentré à la RTBF il y a plus de 10 ans maintenant pour faire une séquence musicale à la télévision. Et où le producteur de l'époque, Jean-Louis Bill, m'avait recruté pour ma compétence en tant que journaliste musical. Donc tous les jeudis, je venais en direct faire une chronique à la télévision, et on me voyait dans mon fauteuil roulant, ce qui était une demande de ma part, parce que les producteurs ne voulaient pas qu'on me voit en fauteuil roulant, et moi j'ai dit si, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre pourquoi j'ai des mimiques qui sont différentes de celles des présentateurs habituellement, parce que quand mes muscles sont tendus, on voit que je suis handicapé. Donc moi, j'avais pas envie de cacher ça. Eh bien, on a eu énormément de réactions très positives en disant « c'est super de montrer une personne en chaise », mais on a eu aussi beaucoup de réactions négatives qui ont pesé dans la balance finalement pour ne pas continuer l'expérience, en disant, vous exploitez la misère, pourquoi est-ce que vous montrez une personne en chaise roulante, c'est un programme pour enfants, ils vont avoir peur, etc. Et il y avait eu la même chose quand il y avait une dame à qui il manquait un bras et qui présentait la météo, je crois, ou un truc pour enfants, avec le même type de réaction. Et c'est là que je pense qu'on a quelque chose à réfléchir sur, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir pourquoi c'est si difficile que des personnes handicapées ou appartenant à une autre minorité puissent rentrer dans des programmes qui présentent la société telle qu'elle est. Et je pense que, d'une part, c'est parce que la télévision ne présente jamais ou trop rarement la société telle qu'elle est, et d'autre part, je pense que c'est lié au fait que le handicap, comme d'autres particularités, reste une barrière parce que, légitimement, il reste des peurs. Et donc, même si ça n'a duré qu'une saison, j'ai été extrêmement heureux de pouvoir avoir cette chance de présenter un programme à la télévision, parce que maintenant encore, 10 ans plus tard, il y a encore des gens qui me reconnaissent comme celui qui était en chaise et qui parlait de musique. Ben, ça veut dire que si après on discute de musique, ben, on a gagné. Oui. Mais tu disais tout à l'heure, et on va passer tout de suite à l'intervenant après, mais petite, courte question, tu disais tout à l'heure, on aura gagné quand il y aura naturellement des personnes handicapées présentes. Mais voilà, c'est ça. Question, est-ce que finalement, ce naturellement ne doit pas passer par une phase intermédiaire? Et moi, j'étais au départ très opposé à la question des quotas, par exemple, pour la présence des femmes sur les listes électorales. Mais est-ce qu'on ne devra pas, à un moment donné, passer par ce genre d'obligation, comme il y a une obligation d'avoir X% de personnes de couleur, je pense, dans certains médias aux États-Unis, pour forcer aussi, à un moment donné, la société à voir, pas la différence, mais les différences qui composent notre société. Moi, j'ai une réponse très courte là-dessus. Le principe de quota me dérange, mais je pense que les entreprises publiques, dont la SBF fait partie, devraient avoir des obligations, elles les ont, et c'est important parce qu'il faut un rôle d'impulsion. Si on n'avait pas mis les hommes et les femmes à égalité sur les listes, ben, il y aurait moins de femmes dans les parlements. Et je pense vraiment que c'est une des missions des organismes publics, quels qu'ils soient, d'impulser ça. Maintenant, je suis tout à fait opposé à ce qu'on oblige un entrepreneur privé à devoir engager un certain nombre de personnes handicapées, parce que c'est son argent, c'est son business, et il le fait parce qu'il pense que cette personne est compétente. Le jour où lui, il pense qu'une personne est compétente, à compétence égale, il va prendre une personne handicapée parce que c'est bon pour son image, c'est bon pour son entreprise, ben ça c'est parfait. Et le jour où les gens auront compris qu'engager une personne handicapée, ça n'est pas prendre un tellement grand risque parce que ces personnes-là sont tellement contentes qu'on leur ait fait confiance que souvent elles sont plus fiables en termes de congés, de maladies, etc., parce qu'elles ont envie d'aller travailler, réellement. Mais je pense vraiment que les entreprises publiques ont un rôle d'impulsion à avoir par rapport à ça. Et je pense aussi que les entreprises privées doivent jouer un autre rôle que le rôle économique. Elles ont un rôle aussi citoyen, mais le débat n'est certainement pas là aujourd'hui. C'est pas par l'obligation qu'on va y arriver. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est un autre débat, effectivement.